Ézéchiel chapitre 15. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, Fils d'homme, que vaut le bois de la vigne plus que les autres bois, et les sarments plus que les branches des arbres d'une forêt? En prendra-t-on du bois pour en faire quelque ouvrage, ou en prendra-t-on un croc pour y pendre quelque chose? Voici, on le met au feu pour être consumé, le feu a consumé aussitôt ses deux bouts, et le milieu est en feu, vaut-il rien pour quelque ouvrage? Voici, quand il est entier, on n'en fait aucun ouvrage, combien moins quand le feu l'aura consumé, et qu'il sera brûlé, sera-t-il propre pour quelque ouvrage? C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, comme le bois de la vigne est-elle entre les arbres d'une forêt, que je l'ai assigné au feu pour être consumé, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem, et je me tournerai contre eux. Seront-ils sortis du feu, encore le feu les consumera, et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je me serai tourné contre eux, et je ferai que le pays ne sera que désolation, parce qu'ils ont commis une infidélité, dit le Seigneur, l'Éternel.